solitaire, faisant l'obstination, provoque la destinée, et si souvent l'envie passe à côté du rêve, pour de fois rancune. Pour accepter la vie, toujours reprendre.